بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المصافحة عقب الصلاة، هل هي السنة أم لا؟ Ils ont interrogé l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah sur le fait de se serrer la main après la salat. Est-ce que ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam am la? Fa'ajab, il a répondu al-musafaha. Al-musafaha, donc c'est se serrer la main. عقب الصلاة après la salat ليست مسنونة. Ça fait pas partie de la sunna. Bel hiya bid'a. Wallahu a'lam. Bel c'est une innovation. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الصلاة avec ses compagnons رضي الله عنهم et il ne se serrait pas la main après la الصلاة. Ils ont posé la question كذلك à الشيخ مقبل رحمة الله عليه عن تخصيص المصافحة بعد صلاة الجمعة. Ils lui ont posé la question par rapport à la الصلاة du vendredi, est-ce que c'est une sunna de se serrer la main après la الصلاة du vendredi? Et on verra que la réponse c'est que ça soit la الصلاة du vendredi ou les autres jours, c'est la même chose. قال ما ثبت الشيء في هذا فيعتبر بدعة إلا في حالة واحدة. C'est une innovation, le fait de se serrer la main après la salat. قال إلا في حالة واحدة, sauf dans un cas. قال أنت قدمت من صنعاء وبعد ذلك أردت أن تصافح إخوانك الذين هم ها هنا أو قدمت من مكان آخر وأردت أن تصافح إخوانك عقب الصلاة فلا بأس بذلك إن شاء الله. Il n'y a aucun doute que si, مثلا, tu es revenu de voyage, où il y a longtemps que tu n'as pas vu un frère et il a fait salat juste à côté de toi, après assalam, on parle salam de la salat, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, à droite et à gauche, thumma tu lui passes le salam, tu lui tends la main. Hada, il n'y a aucun doute, ce n'est pas une innovation. Limada, il y en a, le but, l'intention, ce n'est pas de passer le salam parce qu'on a fait la salat. Là, le but, c'est de se serrer la main. Pourquoi? Parce que il y a longtemps qu'il n'a pas vu cette personne. قال أما العادة عقب كل صلاة. C'est ça l'innovation, c'est que c'est une عادة. Et après chaque صلاة, comme ils font certains ignorants, من العوام, أنهم après chaque صلاة, الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ils se serrent la main. Alors que, ربما ils sont venus au masjid ensemble. Avant la salat, ils se parlaient. ثم ils font la salat et juste après, ils se serrent la main. Et بعضهم il rajoute تقبل الله, qu'Allah accepte notre salat. Tout ça c'est une bid'a. C'est une bid'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte tes œuvres quand tu es fi hal as-sujud, entre l'adhan et l'iqama. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte tes œuvres. Amma à ce moment, il y a des choses à faire, min al-adhkar. Amma se serrer la main après chaque salat, fa il n'y a aucun doute que c'est une innovation. ثم قال الشيخ مقبل رحمه الله وبعد هذا يا إخوان عادات ربما يتصافحون وقلوبهم مملوءة على بعضهم البعض. هذا نعم ساخي. بعضهم يسدد تست. Ils ont des problèmes de voisinage ou autre. Ils ne se passent pas le salam toute l'année, toute la journée, tout le temps. لكن quand ils font salat à côté, ils se tendent la main. بعضهم ils ne se regardent même plus. كأنه c'est une obligation. Il n'a pas le choix. Il lui tend la main, il se serre la main et ça s'arrête là. ونعوذ بالله من البدع. قال وربما يتصافحون وهم في خصام عند القاضي والمحاكم. صحيح. Certains ils ont des affaires au tribunal. ربما après la salat ils ont un rendez-vous au tribunal, une affaire entre eux. واحد il accuse l'autre. لكن après la salat ils se tendent la main. Et le salam il ne se passe pas le salam. قال فالمهم عادات حلت محل السنن. نعم. Quand la sunna disparaît dans un endroit, à un moment, elle est remplacée par le bid'a. Vu que ha'oula, ils ont fait cette bid'a, ils délaissent certaines sunan. Ba'adhum, wallah, ils ne passent pas le salam. Tu le croises dans ton quartier, dans ta rue, ils ne te passent pas le salam. Alors que se passer le salam, c'est une sunna. Et répondre au salam, c'est une obligation. Enfin, ils délaissent la sunna de passer le salam. Bel ba'adhum, ils délaissent l'obligation, ils ne répondent pas. Thumma, la salat, ils font cette bid'a. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rat. Celui qui fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas faite, le nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais serré la main à ses compagnons après salat et il n'a jamais dit taqabbalallahu minna wa minkum et il s'est serré la main après la salat. Ils se sont serrés la main après la salat. Abadan. On doit délaisser al-bid'a, al-khayr il est fi sunnah. Amma cette bid'a il n'y a aucun bien. Walhamdulillah. La référence de la parole de Cheikh al-Islam, Majmou' al-Fatawa, et la référence de la fatwa de Cheikh Muqbil, un audio qui a pour titre « As'ilatu ahli ta'iz ». وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.